Je n'étais pas en Montbéliard. Patrick Prado. Donc, ouais. Mais j'étais membre de petits groupes, de micro-groupes collectifs de cinéma, de vidéo plutôt, de vidéo et cinéma Super 8, en Bretagne et à Paris. Et Gatti représentait pour nous comme un rêve de synthèse, justement, entre l'auteur et le collectif. L'auteur collectif, l'auteur organique qu'on rêvait de constituer dans nos micro-collectifs. Et donc, c'est vrai, en tant que théâtreux ou vidéaste ou cinéaste, il représentait à la fois l'auteur et le réalisateur qui avait possibilité de représenter la voix du peuple. En direct ou pas, on s'en foutait un peu quand même. Et je ne peux pas bien parler parce que j'ai un problème là-dedans. Hein. Bon, quand on filmait dans la rue, on croyait qu'on pouvait donner la caméra à n'importe qui. Tout vient, Jean-Paul, mais ce n'était pas vrai. On n'y arrivait pas, ça ne marchait pas. Il y avait beaucoup de chutes. Et la vidéo nous a permis de répondre un peu au problème de la caméra à tout le monde. D'abord aux femmes, d'ailleurs, pour des raisons historiques dont on a pas mal parlé autrefois. Les femmes ont pris des caméras vidéo quand les hommes avaient des grosses caméras 16 à 35. Pour ça que Yvonne a été une pionnière, que Carole a été une pionnière, que Thérèse Hamelberg a été une pionnière, que comment ça s'appelle, Catherine Hickam, Daniel, bien sûr. Voilà, il y avait vraiment une Anne-Marie prise, Fort. Une prise, une prise de pouvoir, mais une prise du matériel et de parole avec la vidéo qui a été reconnaissable à l'époque, pas théorisée mais reconnaissable. C'est lié un peu au direct. Et quand on a commencé à vouloir filmer en direct, en Super 8, en vidéo, est-ce qu'on signait, est-ce qu'on ne signait pas, Johan? On signait ou on ne signait pas? Bon, ça dépend. On signait si c'était mauvais. Pour éviter de dire, c'est le peuple qui est mauvais, c'était nous qui étions mauvais. Donc on signait quand même, et souvent on signait parce qu'on avait des revendications d'auteur, comme Gatti, on signait les deux, les collectifs un tel et un tel, et un tel et un tel, et Yvonne, et voilà. Et on a commencé à la fois, en même temps, le cinéma militant, et pour nous, Jean-Paul, avec le cinéma d'art vidéo, parce qu'on réservait la contradiction là-dedans. L'art vidéo représentait l'art sublime de l'auteur dans tous ses états, l'art contemporain, et l'art politique était l'art collectif de l'intellectuel organique qui faisait enfin un travail qui pouvait être reconnu, revendiqué par tout le monde. En réalité, on n'arrivait pas à le faire tout le temps parce que c'était tellement emmerdant les trois quarts des vidéos qu'on faisait, parce qu'on mettait une caméra et on croyait que ça allait faire un film. Ben non, ça ne faisait pas un film. Et ce n'est pas le montage qui nous permet de faire le film. Là, tu parles de quoi? Des films militants qu'a fait en Bretagne ou des premiers essais d'art vidéo? D'art vidéo, on a commencé à peu près en même temps. Oui, mais... En même temps. Donc, qu'est-ce qui était chiant? On filmait. Par exemple, en Bretagne, la guerre du lait qui a duré 15 jours. La guerre des... Vous avez filmé en vidéo parce que Guy Chapouillet et des gens issus de l'université de Vincennes ont filmé en 16 mm, mais vous l'avez filmé aussi en vidéo, la guerre du lait. En vidéo. Oui, on avait qu'une caméra vidéo grâce à Yves Montand et à Simon Signoret, on regarde tout ça plus tard, et on filmait le matin pour diffuser l'après-midi, d'accord? Mais il n'y avait pas d'auteur. On filmait effectivement, non pas en conflit, mais en concurrence sympathique avec les filmeurs en 16 ou en 8 mm. Mais évidemment, quand tu filmais ce qu'on croyait être la, l'anti-télévision, on filmait son nom d'auteur. Jamais de nom d'auteur. On filme le matin, la caméra circulait en effet entre les mains de différents réalisateurs et on ne montait pas. Parce que monter avec ce matériel, c'était impossible. Donc les vidéos étaient faciles à filmer, faciles à diffuser, faciles à produire, enfin ça se discute. Contrairement aujourd'hui, c'est facile à produire et difficile à diffuser aujourd'hui. Hein. Impossible même. À la télévision, il n'y a pas de peine. À l'époque, on faisait la télé quotidienne. Bon, pas pour raconter ma vie, mais enfin, Gatti a été à un moment donné un personnage qui nous a permis de concevoir un peu ces éléments d'auteur, de collectif à la fois, et de vidéo et de scène. Parce qu'en même temps, il y avait... En même temps, il y avait Russe Poli qui filmait aussi. Russe Poli hein, filmait des paysans dans la campagne, dont Martin Lassourdière vient de refaire un film sur le tournage du tournage, en effet. Et Russe Poli signait Russe Poli. Il ne disait pas les prétentions. Le prince Russe Poli. Mario, prince Russe Poli, italien, prince et rédacteur de livres de cuisine étrusque absolument fabuleux. Bon, Russe Poli était un poète, un cuisinier et un cinéaste merveilleux. Et donc, il filmait, il signait. Et pourtant, il filmait des paysans qui parlaient comme les ouvriers de Gatti. Donc on voit bien qu'il y avait différentes manières, et non pas une manière théorique et militante fermée de filmer, mais que ces mélanges, ces synthèses, c'était des moyens métisses déjà à l'époque pour nous. Voilà, j'arrête. Et sur une citation de Jean-Paul, on avait très envie, puisque vous nous faites la joie d'être présent et qu'on aurait... On avait très très envie de vous accueillir, mais vous n'aviez pas pu pour l'une des toutes premières séances du séminaire. On aimerait bien vous entendre sur, ça c'est un peu une petite joke entre Jean-Paul et moi, mais sur un mythe fondateur des débuts de la vidéo légère, la rencontre entre Genet, Carole et Paul, et vous étiez là pour justement... Oui, ça passé. On raconte rapidement. Oui, raconte ça. La rencontre en fait de la vidéo... Oui. Carole l'a fait grâce à Patrick Prado avec moi, Jean Genet. Et moi, grâce à Jean Genet. Donc voilà, ça, comme le dit Alain, je le répète, ça fait 6 ans en fait qu'on attend nous-mêmes ce récit avec un point de vue différent. On vous a rencontré au départ par mail puisqu'on a publié un article dans la revue de la BNF au début de notre démarche où on donnait la parole à Hélène qui parlait des débuts de la vidéo. Et quand vous avez lu Chronique de la BNF, vous êtes jeté sur votre clavier, vous avez envoyé un mail à la BNF. Comment vous en souvenez alors. Je m'en souviens très bien. Oui. On en parlait tout à l'heure en voiture, on s'est dit, merde, pas de réponse à la BNF. Ah si, on a répondu. Si, on a répondu. Mais depuis, j'ai fait un ABC, alors. Mais en effet, ça m'avait choqué un peu de ramasser en si peu de temps la vidéo sur quelqu'un que j'adorais, qui était Carole. D'accord. Et la vidéo militante, c'est pas Carole. La vidéo artiste non plus, c'est pas Catherine et Cam. On était des centaines à essayer de faire quelque chose. Et donc, j'avais dû écrire à Paul, je sais plus, je crois pas, je sais plus, en disant, souviens-toi, quand Jean Genet, qui était à l'époque quelqu'un que je connaissais assez bien, est parti en Palestine, Jean voulait rapporter un témoignage de son passage en Palestine. Et donc, Carole et Paul avaient des moyens à ce moment-là pour acheter une caméra Super 8, celle ou autre. Et je leur dis, je me souviens, c'était chez Maspero, pas loin chez Maspero, il y a une nouvelle technique qui s'appelle la vidéo, en latin, je vois, la vidéo, et qui permet de prendre l'image et le son ensemble sur une bande enregistrable comme le son. À l'époque, on avait Boviala qui avait inventé à peu près la caméra légère 16. Non après, oui. Peut-être après. Après. Avec vous, j'ai l'affaire de le premier film avec une double bande. Enfin, et nous, on pensait déjà que la vidéo permettait d'avoir une plus grande liberté. Donc, je dis ça à Carole ou à Paul, ou à Carole et à Paul. Je leur dis, essayez la caméra vidéo. On en a une qu'on n'a pas de porte-à-pack, etc., qui vient de, qu'on a acheté à New York grâce à l'argent de Yves Montand et Simone Signoret. Je racontais ça à Johan, mais il y a pas longtemps, qui, après avoir eu un procès qu'ils ont mené contre un journal comme Gala, enfin un truc comme ça, pour atteinte à la vie privée, ils ont gagné leur procès, ils ont gagné 1,5 million de centimes, donc 15 000 francs. C'était beaucoup. C'était énorme, c'était 15 000 euros aujourd'hui, peut-être quand même, non. 10 000 euros, 6 millions de centimes de 10 000 euros, enfin bon, c'est compliqué. Et ils ont donné cet argent au collectif avec, grâce à Denise Le Dantec, tu te souviens, Denise Le Dantec, qui était une amie de Colette Mani et de Simone Signoret, et que Le Tacon connaissait, moi pas, ne connaissait pas, tout, moi je n'étais pas du tout intégré, mais connaissait, ils nous ont dit, venez, on va parler d'un projet. Et on est venu dans un café Place Saint-Michel, on a parlé du projet de faire la télé le matin contre la télé le soir. Et un chèque. Ils ont mis un chèque devant nous, on n'a jamais vu ça de notre vie, et on a acheté la caméra, le magnétoscope, la caméra qu'on voit là, c'est la même, et on a eu la paluche, enfin une autre histoire, et voilà comment on a démarré. Et cette caméra, on a dit à Paul et à Carole, c'est la plus légère à l'heure actuelle pour travailler, surtout en Palestine, mais quand même un plastique autour quand il y a du sable, parce qu'il n'y a pas du sable. Mais Jean Genet n'était pas là à ce moment-là, parce que dans le récit de Paul, oui, on aurait dit que vous étiez tous aux Ingres. Il y avait Paul et Carole, ou pas Paul, mais Carole, Carole, toi, Paul, Jean Genet, c'était toi et Jean Genet. Jean Genet n'était pas là. Et que Jean Genet lui aurait dit, non, sur ton incitation, tu vois, il faut qu'on tire au clair cette histoire. Jean n'était pas là parce qu'on discutait au café, après on l'a vu probablement pour lui dire la bonne nouvelle, mais il n'y avait pas besoin, on se voyait, on ne s'est jamais vu ensemble, Paul, Carole et Genet. Ah voilà. Jamais. Ah, ça casse un mythe. Hein. Et alors, l'historienne, jamais. Moi, je voyais Genet souvent. Ah non, nous, on croise les sources. Le problème, c'est justement d'avoir suffisamment de sources pour les croiser. Mais on s'en fout. On s'en fout, en fait. Par contre, je peux vous dire qui est le cinéaste qui filmait Jean Genet et que Carole venait titiller avec sa caméra. Voilà. J'ai découvert récemment que c'est Jean-Daniel Paulet qui filmait ce truc pour son ami Boutan. Etc. Et finalement, c'est pas passé. Donc, c'est incroyable. Ouais, moi, je suis en train de travailler sur Paulet. Donc, voilà, c'est Jean-Daniel. Alors maintenant, je vais regarder si on voit pas sa tête comme ça, un petit peu. C'est dingue, cette histoire. Ouais. Donc, en tout cas, c'était pas du tout aussi immédiat que ce que Carole dit depuis 20 ans, à savoir qu'elle venait de toucher son chèque de licenciement et que quasiment dans la journée, elle est allée acheter le porte-à-pack sur les conseils de Genet. Les ramettes de papier. Je n'ai financé le ramette de papier pour faire des tracts. Ah. Il avait apporté en camion une tonne de ramettes de papier, continué à faire des tracts. En même temps, on faisait des tracts, évidemment. On piquait les Renéo à Jussieu, on les piquait déguisés en ouvriers. Enfin, on faisait tout ça en même temps. Mais je n'ai jamais été à un moment où on décidait. Non, il s'en foutait. Du moment que ça se faisait et que c'était théâtral, on faisait. Mais qui a décidé de l'interview ? Hein ? Qui a décidé de l'interview de Genet ? C'est toi qui les as mis en place ? Non, elle voulait en faire un. Oui, et toi, t'as mis en contact. Et moi, je lui ai dit, il fallait avec ça. Pour établir le mythe. Mais oui. Ah non, non, non, mais non, elle connaissait Genet depuis longtemps, si c'est ça ta question, par Paul Roussopoulos. Non, non, par contre, il y a deux temps, l'achat de la caméra, et après, quelques mois plus tard, l'utilisation de cette caméra pour faire ce film, maintenant cette vidéo fondatrice, où elle va faire de la télévision, surveiller la télé, où Genet lui dit, viens avec moi, je me méfie de la télé, si ça se trouve, ils n'ont pas passé ce que je vais dire, et effectivement, ils n'ont pas passé. Voilà. Et là, on est en octobre 70, au moment de l'arrestation d'Angela Davis. Voilà. C'est une déclaration que Jean Genet fait à ce moment-là. Voilà. À la télé, l'émission est censurée. Et donc, tu nous as appris que c'était une émission réalisée par Jean-Daniel Paulet. C'était un petit module dans c'était l'invité c'était Resvani. L'invité de ce l'homme, ça s'appelait l'invité du dimanche, ou un truc comme ça, bien avant Drucker. Bon, c'était Boutan qui faisait ça. Et Resvani avait dit, moi j'aimerais bien que Genet soit dans mon émission. Il pouvait inviter qui il voulait. Et puis Boutan, qui était le producteur du truc, il faisait faire plein de trucs à Paulet, qui avait travaillé à Dim Dam Dom, etc. Et il lui a dit, vas-y, fais ça. Bon, il est allé. Et puis ça n'a pas passé, pas parce que j'étais Paulet, c'est parce que ça a été censuré par-dessus la tête de Boutan que...